c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous sommes trois pour parler des environnements éphémères. Alors on va vous préciser un peu plus ce qu'on entend par environnement éphémère. En tout cas il fait suite au précédent podcast qu'on a fait avec Arnaud sur les tests dans les infrastructures as code. Et on va voir que ça a des liens et aussi des différences. Donc on va essayer de voir ça un peu plus. Alors aujourd'hui donc j'ai Yann et Xavier qui vont se présenter. Yann, vas-y. Ok, enchanté, Yann. Je suis cofondateur et CTO d'une boîte qui s'appelle Wise, qui permet en gros de mettre en relation des professionnels et qu'ils échangent autour de leurs sujets. Et dans notre aventure entrepreneuriale, on a mis en place les environnements éphémères, notamment pour notre PO et qu'elle puisse tester les devs de manière asynchrone. Et ton background un peu, si jamais tu... Alors moi j'ai fait classique une école d'ingé que j'ai pas fini. j'ai eu une agence web, j'ai été directeur technique de Uscrib où j'ai rencontré Guilhem notamment, et mon truc c'est vraiment génie logiciel, plus web à la base, travaillé aussi beaucoup dans e-commerce pour se loger aussi sur la partie immobilier, et voilà, je me suis mis dans l'infra un peu par la force des choses quoi. D'accord, donc plutôt background dev qui se met à faire de l'ops. Exactement. Super, ce qui ressemble beaucoup à Arnaud de la semaine dernière que vous pouvez écouter. Et donc Xavier, qui lui pour le coup est un peu plus un habitué. Oui, voilà, Xavier Krantz, j'ai déjà pu participer à des épisodes précédents de DevOps. Donc moi je suis DevOps SRE pour une boîte qui s'appelle Virtuo. Et Virtuo en fait c'est Next Gen Car Rental. En gros vous pouvez louer, ouvrir, déverrouiller, démarrer votre voiture à l'aide de votre mobile. Très bien. Et alors moi, donc toujours Guillaume, je travaille en tant que indépendant pour différentes missions, pour des boîtes de toute taille, surtout sur Kubernetes, etc. Et donc comme les fois d'avant, n'hésitez pas à proposer des nouveaux sujets. Des personnes sont venues pour voilà, donc on va avoir des sujets assez cool qui devraient arriver dans les semaines qui viennent. Donc on a dit en introduction, enfin, en tout cas j'ai dit en introduction qu'on allait parler des environnements éphémères. Je vais demander à tous les deux qu'est-ce que vous entendez par environnement éphémère et comment vous les avez utilisés, Xavier. Alors un environnement éphémère, en tout cas tel qu'on l'a implémenté chez nous, c'est essentiellement une copie d'un environnement qu'on trouve déjà en production ou en staging. Et là, sa particularité, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il est dédié à une feature. Et donc grosso modo, on a une infrastructure un peu microservice. Je dis un peu parce que il y a effectivement des microservices, par contre ils sont pas vraiment très très autonomes, ce qui fait qu'on est obligé de créer un environnement qui ressemble le plus possible à staging et sur lequel en fait les versions des softs ont été buildées en fait depuis une feature branch. Ok. Et ils durent à peu près combien de temps vos environnements, parce qu'on les appelle éphémères, donc c'est bien qu'ils ont une fin. C'est à peu près combien de temps Alors malheureusement, je pourrais pas te donner de métrique sur la temporalité, mais en gros, c'est lié à une feature et une branche. C'est-à-dire que pour créer un environnement éphémère, il te faut une branche. Et quand la branche elle est mergée et delete de GitHub, on delete les environnements. Très bien. Et toi, Yann ? Moi, ce que j'appelle un environnement éphémère chez nous, c'est pareil, un environnement qui est lié à une fonctionnalité, qui est une réplication d'un environnement de... staging ou de prod classique, parce que de toute façon ça part des mêmes définitions d'infrastructure, et donc dédié à une fonctionnalité qui part donc d'une pull request, et à partir de là on déploie cet environnement. L'objectif de cet environnement, c'est finalement que la fonctionnalité soit visible et testable par l'ensemble des stakeholders. Ok, plus dans les détails à l'heure actuelle, vous les avez implémentés sur... Enfin, déjà, pourquoi vous les avez faits ? Est-ce que ça a été quelque chose qui était là depuis le début ? Est-ce que ça a été quelque chose qui est venu par la force des choses ? Enfin, je sais pas. En fait, à la base, j'avais un peu un classique staging qui était le white staging, et puis qu'on utilisait pour voir un petit peu les fonctionnalités qui avaient été développées, notamment pour la PO, et puis pour les autres fondateurs, quoi. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, des fois, entre le moment où la fonctionnalité était finie de développer, le moment où elle était testée, il se passait un peu de temps, et entre-temps, il y en avait d'autres qui étaient développées, et donc tout d'un coup, ça posait la question de est-ce qu'on fait tout tester en même temps, de manière isolée, parce qu'il y a des trucs peut-être qui n'allaient pas partir en prod, et il fallait un peu, pas forcément tout merger tout de suite. Étant sur Cube, et ayant un environnement assez déclaratif, quoi, je me suis dit, ça me demanderait peut-être pas beaucoup de modifications d'en avoir un environnement par feature. J'avais toujours trouvé ça intéressant aussi comme concept. Donc c'est là où c'est né, où je me suis dit, bah, pour justement contrebalancer ce truc de il y a un vrai problème de synchro entre la fin d'un dev et la visualisation de ce qui a été fait. Il faut qu'il y ait plusieurs environnements, en fait. Ouais, en gros, ces environnements éphémères, c'est principalement des environnements de recettes, justement, pour le PO et pour qu'il ait une feature. Et nous, on décorne un petit peu cet endroit où on se concentre sur la feature, et une fois que le PO est plutôt content, ensuite on se concentre sur l'intégration et faire en sorte que tout va bien sur cet environnement qui est staging. Alors bon, on l'appelle staging, mais bon, c'est un peu tout, hein, c'est de l'UAT, une fois qu'on est sûr que la feature va bien, on essaie de faire en sorte que ça casse pas et que ça s'intègre avec ce qui est déjà existant sur staging. Donc pour le coup, toi ça veut dire que tu as gardé l'environnement de staging, là où apparemment Yann a... On l'a toujours, mais il est quasi inutilisé, quoi. D'accord, vous avez une transition. Il me sert juste à savoir que la release sur la prod va bien se passer, puisque la release sur staging s'est bien passée, quoi. C'est un peu ça. Ok, parce que donc, vos environnements éphémères sont créés from scratch, ils sont recréés à chaque fois, ils sont depuis zéro, en fait. Ouais, presque depuis zéro. En fait, donc, aujourd'hui, tel qu'on les a implémentés, en effet, on repart de tous les manifestes et déclaratifs Kubernetes également, qu'on utilise pour l'environnement de staging. On prend exactement les mêmes, on les récupère, on les clone et on les patch, on les override pour justement pour les trucs qui sont vraiment spécifiques aux environnements, quoi, des éléments de config, voilà. Et voilà. Mais on part de ce qui tourne en staging. D'accord. D'ailleurs, c'est assez drôle, bah, pas drôle parce que on sait très bien, mais vous avez tous les deux parlé de Kubernetes. Est-ce que vous avez déjà mis ça en place avant Kubernetes ou est-ce que c'est vraiment cette technologie, la façon d'être donc déclarative, qui a permis d'atteindre d'atteindre ou de le faire plus facilement, en tout cas? Alors moi, je vais te dire tout de suite, quand je suis arrivé, il y avait déjà ce concept là chez Virtuo, mais comment dire, Virtuo à l'époque ça fonctionnait sur Heroku, qui avait ce concept de review apps pour des applications qui sont plutôt frontales. Quand t'as pas de database, c'est un peu plus facile, mais bon, pour l'ensemble des microservices, ils en avaient besoin. Du coup, ils avaient monté quelque chose à partir d'une instance EC2 et d'un Docker Compose. Mais du coup, les configurations de comment tu exécutes ton soft, comment tu le configures, étaient drastiquement différentes entre cet environnement-là et finalement ce qui allait être vraiment déployé pour la prod. Et l'entre-deux, c'est de passer sur Cube, pour nous, ça a été une évidence, comme quoi ça allait simplifier tout. Parce que justement, les paradigmes que Kubernetes amène avec lui, tout ce qui est deployment, stateful set et autres, pour nous, ça nous simplifie grandement la déclaration de nos services, de notre plateforme. Et donc après, en effet, tout ça simplifie vachement, en mode la prod, c'est déjà... staging, c'est déjà un dérivé de la prod, et nos environnements éphémères sont des dérivés de staging. Et tout ça, ça nous a permis vraiment de découper un peu mieux, faire en sorte que les applications soient plus portables, et plein de choses, quoi. Ça a été... En fait, notre première étape, c'était bouger sur Cube. Et ça a pris combien de temps, à peu près, si jamais on parle de la transition? On est un peu en dehors du sujet, mais juste ça peut intéresser des personnes qui vont passer de Heroku à Kubernetes, par exemple. Bouger sur Cube, alors on a commencé le projet l'année dernière. On a vraiment pu commencer à bosser dessus au confinement, au mois de mars. Jusqu'à juillet, c'était plutôt de mon côté, c'est-à-dire savoir quel Cube manager on allait utiliser, GKE versus EKS versus d'autres. Et une fois qu'on va dire la base infrastructure, vraiment les fondations étaient en place, bouger les applis, ça a été assez rapide, parce que quand tu pars de Heroku, t'as déjà un peu ce paradigme de 12 factor app, d'applications bien buildées, qui sont pensées pour pouvoir se faire ce chose-là. Donc après, la transition, elle s'est faite très vite. Le temps d'écrire les manifestes, de faire en sorte que tes URL pointent au bon endroit, et en un mois, c'était fini, quoi. Et toi, Yann, ça a été une évidence parce que Kubernetes, on a un peu parlé en disant que t'aurais aimé peut-être avant faire ces... J'aurais aimé avant, et c'est vrai que avant, je me disais toujours, ça va être une galère de dingue, en fait. Je pense que, si on reprend Uscribe, ça aurait été une galère de dingue, mais rien qu'aussi dans la définition de tous les services qu'il y avait. Et puis, parce que la manière de si on n'est pas en déclaratif, je pense que ça devient hyper compliqué. de gérer ça. Alors que là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le 12 factor app, c'est-à-dire que si on part sur cette base-là, évidemment, déjà, tout est configurable, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis ensuite, il y a le fait de partir sur du déclaratif, où oui, en effet, on se dit, c'est très simple, c'est juste cette variable-là à changer. On utilise un customize, il y a la partie juste héritage, récupérer des trucs, changer quelques paramètres. Quand j'ai voulu m'y mettre, je me suis dit, j'ai tous les outils et tout ce qu'il faut pour le faire et ça va être rapide, quoi. Alors qu'auparavant, je me disais toujours, ah ouais, ça va être une galère. Ouais, c'était un peu le... Exactement ça. Ouais. C'est pour ça que, justement, nous, notre prérequis, c'était de se dire, si on veut uniformiser les usages et moins s'embêter avec ce qui existait, qui était à base de Docker Compose, on s'est dit, Kube, c'est le chaînon manquant, quoi. Donc, faut qu'on fasse ça d'abord, quoi. Et donc, là, on a parlé un peu de pourquoi vous l'avez mis en place, comment vous l'avez mis en place. Est-ce que vous y avez vu un intérêt pas forcément que technique, potentiellement, vous avez pu peut-être lever des bugs, je sais pas, des choses comme ça. Est-ce que vous y avez vu aussi d'autres intérêts? T'avais dit, Yann, que c'était fait pour les stakeholders. Est-ce que tu y as vu un changement dans la manière peut-être de discuter avec les stakeholders par rapport à d'autres expériences que là, t'as dit l'impression. Après, nous, on est vraiment une toute petite boîte. La proximité PO, dev, elle est hyper forte. C'était plus d'un point de vue, de nous, notre point de vue, c'était un peu, ok, là, maintenant, en fait, je peux sortir ce que je viens de développer de ma tête parce que je sais que ça va être testé plutôt dans 2 ou 3 jours pour m'attaquer sur autre chose et je vais pas être interrompu et on va pas refaire des repassages, machin, etc. Donc c'était un peu le côté où, même si je suis pour des cycles de développement très courts avec des feedback loops très courtes, quand elles sont obligées d'être longues, ça permettait en tout cas d'être plus tranquille d'esprit. Du côté des stakeholders, la PO, elle va bien comprendre la séparation par feature. Quelqu'un d'autre, non. C'est-à-dire qu'il va pas forcément comprendre de, ok, j'ai 3 environnements différents à tester, à regarder. Donc là, c'est un peu bizarre. Donc vaut mieux quand même, c'est vraiment plus à destination du PO pour le coup que d'autres stakeholders. Mais s'il y a une feature qui les intéresse particulièrement, ils peuvent comme ça la prévisualiser et puis un peu participer, quoi. Et ça, c'était une habitude ou pas? Parce que de la PO, est-ce qu'elle avait déjà eu ça avant? Non. Non, pas du tout, ouais. D'accord, parce que oui, je pense que tout le monde qui écoute sait que c'est pas quelque chose d'extrêmement courant d'avoir vraiment des environnements éphémères à chaque fois. Vous utilisez d'ailleurs quelle plateforme pour donner après ces environnements éphémères? Comment les stakeholders y accèdent? Ça va être quoi l'outil? Vous utilisez, je sais que sur GitLab, il y a les review URL justement, ça va être, ou est-ce que vous utilisez autre chose? Enfin, ça va être quoi technologiquement, la façon dont après vous communiquez ça aux... Nous, on va dire que, grosso modo, vu qu'on part des URL de prod, la différence, c'est qu'au lieu que t'aies à un moment donné un point prod, t'as un point le nom de ta feature, ou un ID Jira, et grosso modo, nous, c'est une appli, le client, d'un point de vue logiciel, c'est une appli mobile. Donc après, les applis mobiles, chez nous, elles sont développées pour qu'à un moment donné, tu dis, je veux tester sur l'environnement, tu entres un endpoint, un certain pattern de URL, et après, l'application, elle se débrouille, et elle sait que, elle va chercher à tel endroit. D'accord, donc il y a forcément eu une partie développement, vous en tout cas de votre côté, sur la partie mobile, et donc un lien avec les équipes mobiles. Il y a une intégration, complètement. Ouais, nous, comme c'est du web, c'était beaucoup plus simple, c'est une URL qui reprend le nom de la feature. Après, la différence, c'est que c'est nous, devs, qui allons balancer l'URL à la PO en disant, tu veux tester ça, c'est là. Si on devait aller encore plus loin d'automatisation, je ferais un message dans Slack qui dirait, boum, il y a ça que tu peux review. Et nous, à ce niveau-là, on a vu un truc qu'on a... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est pas très très mis en avant ou très très utilisé. C'est qu'en fait GitHub a une notion de deployment que tu peux attacher à ton repo et à ton projet. Et justement ça c'était exploité par Heroku. Mm-hmm. Et on s'est dit tiens c'est pas bête parce que au final c'est une API, elle fait rien, il y a aucune action, c'est juste de la metadata que tu rajoutes. Et nous on s'est dit comment ça qu'on allait essayer d'exploiter cette API parce qu'on utilise GitHub. Et ce qui se passe c'est que du coup sur la page de ton projet, maintenant c'est sur la droite. T'as la release, machin, et à un moment donné, il y a une section deployment, et t'as toutes les URL déjà préfaites en disant, OK, ton projet, il a été buildé, et il y a des URL de déploiement disponibles là. Sur la droite, c'est parce que t'as mis le plugin, hein, sinon c'est toujours en haut. Ah bon? Ah oui, pardon. Voilà. Mais bref, c'est visible, c'est accessible depuis la homepage du project d'un repository. C'est ça que je veux dire, donc tu peux pas trop le louper. Si tu sais que... Alors bon, c'est toujours à peu près tech-centric, hein, parce que t'es obligé d'aller sur GitHub, qui est un outil à la base plutôt orienté pour les tech, mais il y a ce genre de choses aussi pour des URL. Mais sinon, on fait comme toi, c'est là, tiens, voilà l'URL. Et est-ce que vous avez relevé d'autres choses, des résolutions techniques, parce que vous avez mis en place ces environnements-là? Si on reprend donc le podcast de la semaine dernière avec Arnaud, on a vu que mettre en place des environnements, là pour le coup d'intégration, donc des tests rapides dans le cours de en cours de développement, ça nous a permis en fait de voir énormément de problèmes, remonter en fait des choses qu'on ne s'était pas aperçu. Est-ce que vous, ça a eu à peu près le même effet de faire ces environnements plus long terme qui ne servent pas que aux tests, mais qui sont pour un test humain en fait dans ces environnements éphémères? Chez nous, ouais, plutôt. Enfin, là, on est encore, c'est early stage, c'est-à-dire que ces environnements éphémères sur cube viennent d'arriver depuis janvier. Mais déjà, dans l'usage par rapport à ce qu'il y avait avant sur cette Docker, sur cette machine avec un Docker Compose et des script shell un peu homemade basés sur plein de conventions, là, on est beaucoup plus explicite et ça nous a permis de visualiser et d'exprimer plein de loups qu'on avait du mal à exprimer avant, quoi. C'est-à-dire que là, on voyait explicitement, ah, ok, là, il y a du code pas dupliqué, ça, c'est pas portable, ça, c'est ça marche pas. Et donc, même si, à la fin, l'environnement éphémère est d'abord à destination du PO, pour qu'il puisse avoir un environnement isolé et complet sur sa feature, mine de rien, elle nous sert également à nous, parce que, et grâce au fait que Kubernetes, c'est déclaratif. Et on a essayé de faire en sorte que les manifestes des applications soient dans les repos des applications très proches du code. Donc en fait, le développeur, il a vraiment notion, et même pour lui, c'est beaucoup plus clair de savoir, ok, une fois que j'ai mon conteneur, voilà comment ça marche, quoi. Voilà comment ça tourne. Et donc, ouais, ça a été très, très cool. Ouais, mais c'est vrai, comme on en discutait un peu tout à l'heure, ce qu'on va se rendre compte, en fait, quand on va vouloir mettre son application comme ça, c'est que tout ce qui va être la gestion des services externes, tout d'un coup devient, en fait, un enjeu, un souci ou quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire que, bah, il faut pas réutiliser les comptes de prod qu'on a créés sur des services externes. Et surtout, on va se dire, bah, non, je devrais recréer, en fait, les mêmes configs que j'ai pour la prod pour chacun de mes environnements. La plupart du temps, ça a été fait à la main en mode clic-clic, sur des OAuth0, mais sur des Mailgun, sur des plein de trucs de services comme ça. Et d'un coup, ça pose la question de, mais en fait, pourquoi cette connaissance de la configuration de mes services externes, elle est que dans ma tête, et que, ou elle est dans une doc, si on a fait au mieux, quoi. Et qu'elle n'est pas déclarée comme on déclare le reste des configs de nos apps. Et comment d'ailleurs t'as réussi à résoudre ça? Enfin, je dis ça un peu en candide, en connaissant la réponse, mais Moi j'ai commencé par, enfin, la première chose que je me suis dit, c'est, mais en fait ça devrait être à côté de mes déclarations de mes apps, donc ça devrait être dans Cube, et ça devrait être des fichiers qui sont à destination de Cube, donc d'un opérateur. Et j'ai notamment développé un opérateur par exemple pour Mailgun, pour configurer automatiquement l'environnement de staging, enfin l'environnement de l'APR pour Mailgun, et notamment parce que j'avais une notion de webhook dans Mailgun où je vais aller récupérer les retours des mails, et en fait c'est une feature dont j'ai besoin aussi pour mes PR, quoi, et que on peut pas mêler à staging, qu'on peut pas mêler à la prod, donc il faut isoler ça. Donc c'est comme ça que j'ai résolu le truc. Maintenant, ça c'est au mieux, c'est-à-dire quand les services ont une API, si on prend un Slack. En tout cas, à l'époque où je m'y intéressais beaucoup, Slack n'avait pas d'API pour créer des apps, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, on est dans le côté un peu relou des environnements de tests éphémères, c'est-à-dire que va falloir bricoler des choses pour faire en sorte que ça fonctionne, pour que le bot Slack fonctionne sur tous les envs de features, quoi. Là, c'est bien. Enfin, on commence à arriver aux limitations. Alors. Là, pour une fois, je vais donner mon avis là-dedans, et parce que des gens m'ont suivi sur Twitter et où j'ai donné un peu mon opinion. Donc, on le voit bien, les environnements éphémères sont vraiment très cool parce qu'ils répondent à des problèmes au niveau des PO. En tout cas, ils améliorent les choses. Ils vont être très similaires à ce dont on parlait la semaine dernière avec les environnements de test. Au final, c'est des environnements de test pas totalement automatisés, où il y a une part manuelle à faire. Donc en fait, ils répondent à cette dernière partie qui est comment je fais tester à un utilisateur humain une fonctionnalité. Moi, mon problème que j'ai avec ces environnements éphémères, c'est que, c'est un peu ce que tu disais là, il y a toujours une dernière partie chiante, il y a toujours une dernière partie qui ne rentre pas exactement dedans et qui fait que l'environnement de test n'est jamais la prod. Déjà, souvent, il n'a pas les données de prod, il n'a pas la charge, il n'a pas... Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas et dans lesquelles on ne peut pas tester. Ce qui fait que j'ai toujours un petit problème là-dedans de qu'est-ce que ça apporte vraiment. Et donc, moi, personnellement, en tout cas, si jamais ce que je prône, c'est de me dire, et si on arrêtait donc ce principe d'environnement de test, on le laissait pour les environnements d'intégration, ce qui sont très bien, on a des tests automatisés qu'on fait tourner une fois par jour et qui nous lièvre beaucoup de lièvres. Mais cette deuxième partie, après, d'avoir vraiment des environnements tout intégrés, c'est-à-dire vraiment de bout en bout, nous, quand on en parlait la semaine dernière, on parlait juste de une partie de l'infrastructure. Donc on testait notre infrastructure par bout, par partie. On testait vraiment un usage extrêmement précis qui nous permettait d'avoir des tests d'intégration un peu plus simples qu'un test full de bout en bout. En plus, le problème que j'ai quand on fait des environnements éphémères, c'est que donc ils sont complets. C'est des environnements qui sont de bout en bout. Et donc en termes de juste de prix, de pricing, quand on est surtout une petite boîte, on se retrouve, alors il suffit d'avoir 3 PR et ça y est, on a fait x4 dans le nombre d'infrastructures qu'on a. Pour une différence en plus pas gigantesque, quand on est une petite start-up, on a 2 back-end en prod, pas beaucoup plus que ça. Là, d'un seul coup, on se retrouve à avoir on a multiplié le nombre de back-end qu'on a dû installer. Et en plus, qui sont gérés par des êtres humains. Donc après, on peut faire des hacks en disant « Oui, ok, bah, la nuit, je sais qu'il y a personne qui s'y connecte, donc je vais les enlever. » Ça rajoute en fait du bruit et des composants à devoir gérer, etc. Personnellement, je pense que la chose qu'il faut sans doute changer, c'est de passer vers quelque chose d'autre qui sont plutôt du feature flagging, donc dans le sens où il n'y a que la prod qui ressemble à la prod, et donc on envoie son code en prod avec un système de flag qui correspond un peu en fait à cette notion de endpoint dont tu parlais un peu, Xavier, qui est dans l'application, on active ou pas telle fonctionnalité. Sauf que là, au lieu d'avoir une notion d'infra, de savoir où est-ce qu'on va, on a une notion de fonctionnalité. On va dire au PO, tiens, t'as une version de dev, enfin une version de testeur, et tu vas accéder à telle ou telle fonctionnalité qui est déjà déployée en prod. Est-ce que ça, c'est quelque chose, je sais que Yann, Moi, en fait, Il y a d'autres choses encore qui viennent après le feature flagging, et il y a beaucoup de soucis, notamment dans la mise en place. Donc C'est-à-dire qu'en fait, je pense que chaque solution a ses contraintes et ses qualités. Pour moi, c'est plus que dans le feature flagging, ça veut dire qu'il y a du code qui vient de rejoindre la master et que ce code-là, en fait, peut-être qu'il ne devrait pas du tout y être. Et donc, il y a la notion de devoir enlever dans du code prod quelque chose qui potentiellement a été mis et qui, en fait, n'était pas valide d'un point de vue du PO. Donc ça, c'est... J'ai pas assez d'expérience sur le feature flagging, mais c'est vrai que j'y vois d'autres soucis, quoi. Voilà, donc c'est, je pense, après, c'est une question peut-être d'habitude ou d'opportunité technique, c'est-à-dire que là, Cube, l'Étoile Factor App donnait une opportunité technique et donc je l'ai saisi, alors que le feature flag c'était un apprentissage des pratiques et que c'était pas encore un assez gros problème pour que je fasse un réapprentissage de pratiques. Tu l'as dit un peu, c'est que t'aimes bien les cycles courts, à l'heure actuelle ça passe encore. Peut-être que quand on arrive à des cycles de PR qui sont vraiment très longues, qui arrivent, pour ça aussi que j'ai demandé un peu le temps que vous mettiez, et pour le coup avoir des PR comme ça qui sont stuck par des PO qui font très bien leur boulot, mais c'est juste que ça peut prendre du temps à tester avec des cas. Des fois, on va même peut-être vouloir le montrer à des clients en disant, parce que des fois, le PO n'est que l'intermédiaire avec d'autres clients, donc il va falloir le valider, etc. Et on se retrouve à avoir donc des PR qui durent, avec en fait une célérité dans la mise en production qui est très compliquée. Et donc, on se retrouve à se dire, est-ce qu'on fait du cherry pick de tous les bugs qu'on a fait entre la PR et ça? Enfin, on peut potentiellement en fait avoir un problème avec des PR qui se retrouvent à être avec des rebases complètement affreux à faire dans le temps. Et c'est là où le feature flagging fait qu'on est un peu plus confiant à mettre en prod parce qu'on met en place des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Et même d'ailleurs, on les teste instantanément. On teste une montée en charge. Ça permet aussi de faire de l'AB testing. C'est des choses que en fait, avec ces environnements éphémères, il n'y a pas d'AB testing possible. On a quelque chose où, on peut le faire à la limite, mais ça devient compliqué parce qu'on ne touche même pas aux mêmes données. Ou pas, là on pourrait avoir des environnements éphémères qui touchent aux mêmes données, ça serait possible, remarque. Et on a ce petit problème-là là-dedans. Et le feature flagging, en plus, maintenant on commence à avoir des outils, alors il y a beaucoup de détracteurs, on commence à avoir des outils comme Istio ou tous les outils de service mesh. Flagger, Unleash. Voilà, qui peuvent permettre de manipuler le feature flagging et de se dire non, mais je ne déploie. En fait, on se retrouve à avoir quasiment un environnement éphémère, mais sur une partie de notre application. En fait, pour ce microservice-là, pour ce service-là, en règle générale, on déploie un environnement éphémère de tel PR, et si jamais je mets le header Toto PR Jira 36, je me retrouve à utiliser les composants de Toto Jira 36. Je ne sais pas ce que... Moi, je vais reprendre ce qu'a dit justement Yann, et c'est très juste, c'est une histoire d'opportunité. Et en plus, aussi pour appuyer un autre truc qu'on dit assez souvent ici, c'est une histoire aussi de maturité. C'est-à-dire qu'on apprend tous, des choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, justement, pour nous, pour faire en sorte que les développeurs et les PO puissent être assez autonomes, c'était ça. Et ça nous a permis de le faire, on a trouvé un gain. Et maintenant, on arrive à se dire, on peut se dégager du temps pour passer à la learning curve de l'étape d'après. Donc tout ce que tu mentionnes, en effet, feature flagging, c'est un truc qui traîne dans nos têtes depuis un certain temps. Du service mesh également, ça a fait un truc qui traîne dans un certain temps. Et c'est clairement les next steps, quoi. C'est clairement les deux pistes et les deux voies qu'on voudrait envisager et qu'on va regarder de très près au cours de cette année ou des années qui suivent. Mais tu vois, c'est vraiment une histoire de maturité. Ok, j'ai réussi à faire cette step. Pour l'instant, elle est satisfaisante. Elle amène ses problèmes, comme tu viens de le dire. Elle amène aussi ses solutions. C'est un compromis. Maintenant, une fois qu'on a ça, qu'on sait comment ça marche, que ça nous a déjà permis d'identifier pourquoi une appli, elle n'était pas automatisable, comme tu le disais, tous tes services externes qui sont en clic-clic, tu fais « Ah oui, je me souvenais plus de ça ». Et ben tout ça, c'est ça. Et c'est une next step. Donc nous, en effet, clairement, l'une des next steps, parce qu'on a tous les problèmes que tu mentionnes, bah ce sera misé sur le feature flagging et le service mesh. Moi, je dirais qu'au niveau de là où on est pour l'instant pour la boîte, il n'y a pas de... Ça serait peut-être plus complexe finalement qu'autre chose, mais je trouve ça intéressant, et je trouve ça intéressant parce que c'est un autre challenge et ça pose d'autres questions, mais ça ouvre d'autres opportunités. Et en fait, faut se demander, c'est déjà, est-ce que le métier a besoin de ces opportunités-là? Pour l'instant, nous, on n'aura pas forcément besoin, mais j'imagine que, enfin, par rapport aux expériences précédentes que j'ai eues, que évidemment c'était nécessaire d'avoir de l'A/B testing, que du feature flagging aurait pu être intéressant. Donc voilà, après, faut bien le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà connu aussi dans mon passé de dev des gens qui disent « j'ai fait une feature, mais elle est pas en prod, on la mettra en prod après Noël en e-commerce ». Et puis en fait, elle était d'une manière ou d'une autre en production. C'est-à-dire qu'elle était peut-être pas visible pour les utilisateurs, mais elle avait quand même un impact sur les données, quoi. Et donc, elle avait créé des conneries. Donc voilà, c'est des trucs comme ça où tu te dis, en fait, ça demande une certaine maîtrise. Donc voilà. Une certaine rigueur, c'est clair. Ouais. Ah, non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que sans doute, enfin. Basculer en feature flag en milieu de développement dans une application qui est devenue quasiment legacy. Enfin, si jamais vous avez une expérience là-dessus, d'ailleurs, les auditeurs, n'hésitez pas à venir. Alors, à faire. Ça sera peut-être d'ailleurs la prochaine évolution après celui sur les environnements de test, d'intégration, les environnements là éphémères, deuxième, des gens qui pourraient venir nous donner leur expérience avec du feature flagging. J'adorerais ça. Personnellement, je le prône, j'ai jamais fait et je l'avoue complètement. Et parce que j'ai, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'ai jamais réussi. Faut pas oublier que je suis indépendant la plupart du temps maintenant et que, je peux pas mettre ça en place. Faut trouver le cas. Mais il y a plein de choses, je pense qu'on en parlera dans un épisode dédié au feature flagging, il y a plein de choses normalement en lien avec les PO, pour en avoir un peu discuté à certains, des choses qui même n'imaginent même pas que ce soit possible à faire. Complètement. Je vais donner un exemple que j'ai dit il y a pas très longtemps, c'est donc en imaginant qu'on teste une fonctionnalité donc dans un environnement pour spécifiquement un événement particulier. On veut que à midi le jour X, il y ait telle nouvelle fonctionnalité parce que ça change complètement le site qui devient spécial Black Friday par exemple. Voilà, on a notre test et ben en fait, on se retrouve à mettre en production pile poil au moment où en fait, c'était le plus urgent en fait. Et donc potentiellement on pète tout alors même que c'était le truc urgent. Alors qu'avec du feature flagging, on peut très bien se mettre à genre déployer dans les jours avant le Black Friday quand c'est à peu près calme. Les gens peuvent tester et le jour du Black Friday, au lieu d'avoir besoin d'avoir un développeur qui est là à minuit pour faire le déploiement, et ben en fait, on peut avoir directement les PO, les stakeholders qui sont sensibles et c'est eux qui font la mise en production en fait, c'est eux qui décident et ben voilà, pour 100% de mes utilisateurs, je passe en mode Black Friday. Et en fait, il y a une responsabilisation que je trouve assez sympa des PO potentiellement. Alors, petite note, nous c'est déjà les PO qui release. Parce qu'on a en fait quand je suis arrivé, c'était déjà un peu le cas, mais on a continué à miser dessus. En fait, on a un petit bot Slack qui t'accompagne et on a fait un petit matching forcément comme beaucoup de boîtes. Alors après, c'est mal ou c'est bien hein, mais entre TPR, les ID des tickets et autres, et grâce à ça les PO sont complètement autonomes sur Slack. Ils sont là en mode tiens, liste-moi ces releases, OK, tous ces tickets là, tous ces microservices sont impactés, vas-y déploie, et c'est eux qui le font. OK, est-ce qu'il peut rollback? Parce qu'en fait, quand on est responsable du rollback. C'est-à-dire que là, en fait, c'est-à-dire que si jamais le PO décide de mettre en place une fonctionnalité et que ça ne marche pas, et ben en fait, il est à poil dans ton cas. Oui, en effet. Non, alors on sait rollback. Maintenant, en effet, je pense que tu sais, après, c'est des dogmes. Il y en a qui vont te dire, il y a que la fuite en avant qui compte. T'as un problème, tu le fixes. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'il est pas autonome. En fait, il a l'illusion de l'autonomie. C'est ça. Et je suis pas très très fan de l'illusion. Non, mais c'est vrai que si t'as raison, c'est un point qui nous manque. S'il fait sa release à minuit et qu'elle fonctionne pas, quand même toile de. Voilà. Alors que là, potentiellement, en fait, avec le feature flagging, parce que ça a été testé, parce qu'on l'a déjà mis en place, parce qu'on a testé ça 2 minutes, hop, ça a l'air d'être passé, hop, on remet, on repart et voilà. Bon. Encore un autre. Après, ça fait une matrice de compatibilité à tester les feature flagging qui, des fois, peuvent être sympas. Hein. Mais en effet. Ah, mais ça apporte des problèmes à 100%, même juste des modèles de données ou des choses comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire gérer ça. Enfin, c'est un enfer en soi, mais qui, je trouve, apporte pas mal de choses. Aussi bien à l'infra, en termes de tests, et aussi, en fait, au métier. Et ce qui est, en fait, le plus important, on n'oublie pas, on fait pas de l'infra pour de l'infra, on fait de l'infra pour le métier. Et donc, voilà, c'est ce que Yann a dit, je te cite, mais c'est voilà, pour l'instant, votre métier, on n'a pas besoin. Cool, c'est ouais, vraiment. C'est ça. Et il y a une sorte de charge et d'échelle et de taille. Voilà, si jamais demain, mettre en place une nouvelle fonctionnalité divise par 2 les perfs, mais parce que c'est sur un environnement de test où il y a 2 PO qui s'y connectent dans l'année, vous n'avez pas vu ces problèmes de perfs, bah, potentiellement, il y a un problème. Donc en fait, même les problèmes de perfs ne sont pas gérés par ces environnements de test, là où, quand on fait de l'AB testing, on peut potentiellement voir ces choses-là si on a le bon outillage, etc., dont les outils dont t'as parlé tout à l'heure, Xavier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter dessus, quelque chose dont on n'a pas parlé, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose de particulier, une expérience, une... Bah, quand tu parlais de charge aussi, y a, ça c'est un topic à sa part entière, hein, ça s'appelle « qu'est-ce que tu fais des tests de montée en charge ou pas ?» Est-ce qu'on en a... Nous, je ne crois pas qu'on en ait... Mais c'est aussi un topic qu'on voudrait aborder cette année. Et pour le coup, pour l'instant, l'idée initiale, c'est de se dire qu'on testerait sur cette fameuse environnement de staging. Une fois que la feature est compliant, on intègre. Et une fois que c'est intégré sur staging, on teste en charge. À voir. Mais c'est vrai que c'est des sujets intéressants. Il y en a qui font ça systématiquement. Il y en a, ça reste un doux rêve. Ça dépend. Ouais, non, moi, je pense pas avoir spécialement de... truc à raconter, ce qui me, voilà, le truc qui m'a un peu choqué quand j'ai fait le truc, c'est que je me suis rendu compte, ouais, que certains services qu'on utilise n'ont pas d'API pour créer et configurer ces services-là, alors que c'est des services externes, et je crois que c'est en fait assez délirant que, bah, que ce soit encore le cas et que on ait encore des services externes dont la config est dans notre tête et c'est tout, quoi. Ouais. Et c'est sans doute peut-être la preuve que peu de gens, en fait, font ces environnements-là, ouais, là-dessus. C'est la preuve qu'il n'y a pas tant d'attentes que ça. Et donc, c'est peut-être aussi le but de ce podcast-là, d'attiser votre envie. Si, je peux te citer un prestataire ou moi qui m'a fait un peu. Je vais pas donner son nom, mais juste le cas d'usage. Voilà, on en a utilisé un. Finalement, il y en a qu'on testait juste sur ce qu'il était capable de produire un deuxième. On a dit, oh, super, c'est celui-là qu'on veut, vas-y, on y va. Et on lui a donné tout ce qu'il lui faut. De notre point de vue, comme des accès à des buckets et autres, pour avoir un environnement. Et puis, il nous a dit, ouais, pas de problème, l'environnement sera prêt dans 2 semaines. Hein? Comment ça? C'est-à-dire que tu vas faire la requête dans 2 semaines? Non, ils sont déjà en train de le construire. Ah, d'accord. Avec complètement la célérité de déploiement, elle est pas du tout la même en fonction des prestataires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à arriver. Et je pense que si jamais des parties de l'écosystème s'y mettent, ce qui fait que d'autres prestataires vont en avoir besoin, enfin, des prestataires vont le faire, qui font que ça va donner des envies à d'autres, etc. Enfin, il y a vraiment une pollinisation, en fait, de l'écosystème qui viendra sans doute, avec des sociétés comme les vôtres qui les font, qui créent des opérateurs. Ton opérateur, Yann, il est sur GitHub. Ouais. Si jamais vous voulez l'utiliser, voilà. Il est référencé, ouais. Il est sur mon GitHub, mais il est référencé aussi dans les référencements d'opérateurs qui se trouvent sur Internet. Ouais, Awesome Operator, etc., voilà, quelque chose comme ça. Hub Operator IO. Donc voilà, ouais. N'hésitez pas. Je pense qu'on en fera un jour quelque chose, voilà, sur les opérateurs, ça fait longtemps. Je crois même qu'on a peut-être déjà fait, mais... Je sais pas. En tout cas, juste comme ça, pour citer, il y a aussi un meet-up sur la scène parisienne qui s'appelle SRE Paris. Et il y en a eu le dernier, c'était jeudi dernier, et il y a justement quelqu'un qui a fait un gros retour d'expérience sur les opérateurs. Et en gros, son motto à la fin, c'était « C'est tellement bien et c'est tellement facile qu'il n'y a pas de raison que vous en fassiez pas. » Ah, et je précise, c'est la première fois que je connais en Go, donc c'est pour dire à quel point c'est simple et facile. Ouais, c'est pas le plus simple potentiellement, il aurait pu avoir plus simple, mais en tout cas, ça marche, et c'est plutôt pas mal. Ouais. Bah, et c'est puissant. Bah, merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait ce retour. Bah, c'est bien, ça vient en complément voilà, de la semaine dernière, et encore d'autres, on peut espérer. C'était notre premier podcast avec des masques. Donc, désolé pour le son, s'il y a quelque chose d'un peu étouffé. Voilà, de toute façon, vous devez avoir l'habitude. Maintenant, vous savez. Voilà, on a des masques en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à repartager, à venir nous envoyer, enfin, envoyez-nous un message si vous voulez participer, si vous avez un sujet. On est vraiment super ouverts et ça serait avec plaisir. On les fait aussi, bien sûr, en remote à l'heure actuelle. On n'est pas forcément obligé d'être en physique. Là, c'était juste l'occasion de le faire. Mais voilà, bah, merci à... Est-ce que tu veux mentionner qu'il y a une communauté Discord ? Exactement, il y a un Discord, j'oublie des fois de le dire. Donc, rejoignez le Discord, on fait les enregistrements en ligne, sont faits dessus en direct, donc même vous pouvez participer en posant des questions. Là, celui-ci est fait offline, à l'ancienne. Mais voilà, bah, merci à tous d'avoir écouté, et puis bonne journée. À la prochaine. Ouais, merci beaucoup.